peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce qui perturbe ma vie. Il me connaît, il m'appelle par mon nom. Oh, oh, oh. Ah, peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce qui perturbe ma vie. Il me connaît, il m'appelle par mon nom. Aujourd'hui je traverse un temps très difficile, un temps très très compliqué, que le monde pourrait interpréter comme si c'était le malheur. Aïe. Aujourd'hui je traverse un temps très difficile, un temps très très compliqué, que le monde pourrait interpréter comme si c'était le malheur. Je suis dans sa bergerie, c'est lui le bon berger. Aïe, aïe, aïe, aïe, Jésus la force de ma vie. Je l'appelle sa porte, c'est lui qui me délivrera. Aïe, aïe, aïe, aïe, il m'appelle par mon nom. Je suis dans sa bergerie, c'est lui le bon berger. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, car c'est lui qui est en moi, et plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est lui qui est en moi, ne sommeille ni ne dort. Je suis dans sa bergerie, c'est lui le bon berger. Aïe, aïe, aïe, aïe, Jésus la force de ma vie. Je l'appelle sa porte, c'est lui qui me délivrera. Aïe, aïe, aïe, aïe, il m'appelle par mon nom. Je suis dans sa bergerie, c'est lui le bon berger. Je vis encore, tant que je respire encore, il y a encore de l'espérance, car mon rédempteur est vivant. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Aïe, aïe, aïe. Tant que je vis encore, tant que je respire encore, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers, il s'élèvera, il s'élèvera. Il s'élèvera, sa barotte et son nom. Il s'élèvera, il s'élèvera, il s'élèvera, sa barotte et son nom. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, dit le Seigneur. Même le nombre de tes cheveux sont comptés, alléluia. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera, les derniers. Celui qui t'a dit ne crains rien, veille sur cette parole afin de l'accomplir dans sa fidélité. Alors ne crains rien,